Allô les mounes! Le 7 novembre à 20h, on fait notre premier enregistrement devant Pubis. Pouvez-vous craindre devant vous, devant vos yeux, puis ça se passe à la librairie Le Guélion. Rendez-vous sur Facebook pour les détails de l'événement et n'oubliez pas de cliquer Attending, on veut voir vos faces. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Filles le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche! Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin, puis comme je suis pas si original que ça dans la vie, mon Pokémon préféré, c'est Eevee. Puis en termes de ses évolutions, je pense que je serais Espeon, ascendant Jolteon, avec une Luna Umbreon, cause I'm a dark lady on the inside. Tabarnak! Tabarnak! Ça empire de semaine en semaine. Ça ira. J'aime pas ça mieux. Comment t'as commencé en disant je suis pas si original que ça, puis t'es arrivé avec ça. Ben, I'm a dark lady on the inside, I just look like a basic bitch. Toujours dans l'ordre du rose, hein, toujours dans l'ordre du rose. Moi, c'est Jess PVM, toujours concierge, toujours bipolaire. Et si j'étais une sorte de chip, je serais clairement salé vinaigre. Pour vrai, rien qui a été dit sur ce podcast-ci est aussi vrai que ce statement-là. Je l'ai senti jusque dans ma moelle. C'est si vrai. Et voilà, c'est ma sorte de sac de chips. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul à manger des chips. On est avec qui? Bonjour, moi, c'est Chacha Henriquez. J'enseigne la sociologie queer. Et une photo de moi s'est retrouvée dans le Journal de Montréal. Une photo où je suis en mini-short sur mon scooter. Je me sens enfin reconnu à ma juste valeur. Yeah! Une guidonne en mini-short sur son scooter. You know, that's what I do. Moi, quand les gens me disent c'est qui Chacha, c'est ça que je dis. Ben, et t'as bien raison. Une guédaille en mini-short sur son scooter. Suis-je autre chose? On va le savoir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Charlie, de quoi on parle? Aujourd'hui, on est sur la grosse sauce. Ça veut dire qu'on capote puis qu'on processe ça avec vous autres puis avec la chachoune parce qu'on parle de panique morale. Alors, on vous explique comment les influenceurs de la droite arrivent à structurer les comportements de certains groupes marginalisés en créant, ma foi, de toutes pièces des scénarios fictifs et paniquants qui appellent à notre fameux sens moral. Moi, j'en ai pas, mais il appelle à notre sens moral. Certains en ont, pas nous, mais c'est pour ceux qui en ont. Fait qu'on commence par vous expliquer comment ça marche. On vous donne des beaux exemples, mais aussi on vous utilise pour être capable de répondre aux paniques morales montées de toutes pièces quand vous les rencontrez. Alors, on s'en va, Mont-Royal et Frontenac au bureau du Journal de Montréal, craché dans le café de Richard Martineau, puis s'en va les uns dans celle des employés en passant, puis on vous revient au vœu caféiné. Bon, ben c'est sans surprise, on est revenu des bureaux du Journal de Montréal, puis ben les antisyndicalistes, ça offre du café de merde à ses employés. Ouais. C'est pas bon. De l'eau de vaisselle. De l'eau de vaisselle, à peine caféinée. De l'eau de vaisselle. Fait que là, tantôt, on vous a name drop le terme panique morale. Ça sonne bien, ça sonne beau. Mais là, on va se demander avec notre sociologue de service, qu'est-ce qu'on veut dire par panique morale? Alors, les paniques morales, déjà, dans l'idée d'une panique, il y a l'idée de la peur, l'idée de l'anxiété. Hein. Donc, on va mobiliser la peur, on va mobiliser l'anxiété. Une panique morale, c'est une mobilisation politique dans les médias qui vise généralement des pratiques ou des communautés qui sont déjà marginalisées. Et c'est un des plus forts outils de régulation de nos comportements, en réalité. Donc, les paniques morales, elles sont là en permanence. Hein. On les voit tout le temps, en fait, dans les médias. Oui, oui, oui. Et elles ont vraiment un effet sur nous, un effet qui est assez... assez fort parce qu'elles régulent comment on est censé se comporter. Généralement, elles vont viser une pratique et par derrière, une communauté. Donc on va cibler par derrière. Par derrière. Ça, j'aime ça. Yeah! C'est la seule panique morale que j'accepte, c'est par derrière. Moi, je trouve que les paniques morales, c'est comme le cheval de Troie de la droite pour essayer de comme, nous contrôler. T'sais, ils vont juste cibler une pratique ou un truc, mais au final, c'est clairement un groupe marginalisé qu'ils veulent cibler. Là. C'est juste qu'ils vont pas comme le dire gros gens comme devant parce que tu peux plus faire comme les maudits gays ou non. Genre les femmes parce qu'on peut plus rien dire, on le sait très bien. Exactement. Et à des exemples qu'on en ce moment, c'est la question du voile. Hein, comment autour du voile va s'organiser une très grosse panique morale. Oui, le voile, à savoir le niqab ou la burqa. Le niqab. C'est ça, il y a tout un discours de panique autour de ça. Il y a tout un discours de panique. Il y a plein d'acteurs, donc des journalistes, des politiciens, des mon oncle et des ma tante qui vont se mobiliser et avoir tout un discours contre le voile. Mais finalement, quand on s'attaque au voile, quelle est la question qu'on pose? On s'attaque pas juste au voile, on s'attaque aux femmes musulmanes. Oui. On s'attaque aux musulmans, oui. On s'attaque aux arabes, et finalement, est-ce qu'on s'attaque pas aux immigrants? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pression oui, à l'assimilation? Hein, de la partie pour le tout, il y a un principe hein, métonymique. Oh! Elle est bonne! On va prendre un petit exemple de quelque chose, puis c'est encore un exemple qui ne devrait même pas faire peur la plupart du temps. et qu'on va monter ça, comme tu disais, en épingle, là, que là, le monde va partir en peur avec ça, puis c'est toute une communauté qui va finalement payer pour une pratique qui n'était même pas problématique à la base. Exactement. C'est ça qui arrive. Moi, je me demandais un peu, là, le panique moral, c'est un peu comme une émulsion. C'est quoi la recette pour une panique morale qui pogne comme une bonne mayo? Alors, premièrement, pour faire une bonne panique morale, il faut cibler une pratique ou une communauté qui est déjà marginalisée. Donc, deux tâches de marginaliser. C'est très bien parce que ces communautés-là, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir se défendre. Oui. Donc, en les ciblant, on s'assure de... déjà, elles ont moins de capacité à s'exprimer. Donc, en plus, on diminue encore plus leur capacité à s'exprimer dans l'espace public. Ça, déjà, c'est vraiment winner. Puis aussi, il y a quand même un parti pris de whatever, ce que c'est l'opinion publique qui est négatif envers ces personnes-là. Fait que c'est plus facile de faire avaler la pilule, en fait. Wow! Donc, un soupçon de pilule, deux tasses de marginalisé. Ouais. Un autre aspect important, c'est comme on disait, la mise en épingle. Hein, cette idée qu'on va prendre des événements et des événements qui sont souvent fictifs, hein, d'ailleurs, situations qui sont souvent fictifs, qu'on va tirer en épingle pour produire des articles sensationnalistes. Des hypothétiques, genre, hein, des what-if, genre. Ils trippent là-dessus, là, pour vrai. Les journaux de droite trippent sur le sensationnalisme. Ça fait vendre. Ben oui! Donc, on le sent, l'hostie. Puis, tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt, là, quand on parlait de la panique autour d'une cam. Tout ça a commencé avec la panique des accommodements raisonnables. Ouais. Donc, là, on avait bien. Là, je répète, hein, on a dit deux tasses de marginalisés, on suppose une pilule facile à avaler par la population en général et. Généralement, ça nous prend un bon bouillon de fiction. Un bon bouillon de fiction. Donc, c'est ce qu'on appelle des chimères. Hein. Une chimère, c'est comme un monstre imaginaire. Le vocabulaire à 2FLM. Ah, vous savez. On sort de la mythologie grecque. Là. Ça Oedipe, va, Oedipe s'en vient tantôt. On est plein d'intelligence. Alors, les chimères. Donc, les chimères. Une chimère, c'est un monstre imaginaire qui serait extrêmement dangereux. Hein. Mm-hmm. Il serait à moitié serpent, mm-hmm. à moitié dragon, à moitié lion. Tellement dangereux qu'il a trois moitiés. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça fait 1,5 semaine. Ouais. Vocabulaire ne veut pas dire bon en maths. Ouais. Donc, c'est un fantasme qui est complètement déconnecté de la réalité. Donc, si on prend encore l'exemple du voile, c'est la menace de l'islamisation. Comme si le Québec allait s'islamiser, que l'islam allait prendre le pouvoir au Québec, que tout le monde allait être voilé d'ici quelques années. Un peu à la Michel Houellebecq en France, là, il nous écrit des romans dystopiques. Sur ce sujet-là, là, comme quoi tout le monde s'est converti à ce fameux islam. Hein, puis je suis comme bitch, le réchauffement climatique, c'est pas assez pour toi pour construire des univers dystopiques. Ouais. Genre, t'as vraiment besoin d'aller puiser dans ton racisme. Genre, je suis juste comme cis, là. We have a problem, là. Fesser ces étrangers, c'est toujours facile, là. OK. Puis, qui profite de ces paniques morales-là, en fait? Parce que il doit bien y avoir une. C'est-à-dire que, il doit bien y avoir une raison. Of course, vendre des journaux, puis comme faire rouler la machine médiatique. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des gains personnels, en fait, à faire derrière ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce sont quels acteurs qui créent ces paniques morales, qui les construisent. Donc, c'est sûr que derrière, on peut avoir déjà des citoyens qui sont inquiets. Donc, ils sont inquiets souvent pour par exemple, leurs enfants, qui veulent protéger leurs enfants. Ah oui. Parce que ça, c'est un autre élément. Si on revient un petit peu à la mayo, un autre élément là, pour une bonne mayo de panique morale, c'est d'avoir des victimes qui, elles aussi, sont tout à fait imaginaires. Ouais. Hein, donc, c'est les enfants. On adore mobiliser c'est ça, j'allais dire. Corrige-moi si je me trompe, mais les enfants, là, c'est un excellent ingrédient. Ben non, mais imagine si des enfants avaient une enseignante voilée. Qu'est-ce qu'ils enregistreraient comme message? Ce serait-tu l'enfer? Voilà, ou dans les manifs homophobes en France, hein, l'idée que s'il y a un enfant avait deux pères ou deux mères, ça serait dangereux pour lui. Hein, regardez pour ce qui s'est passé avec moi. Regardez ce que je suis devenu. Je veux dire, and here we are today. Là. C'est ça. On là. A une illustration très concrète ici. Puis aussi, il y a un truc aussi où les victimes, ça peut être les personnes concernées elles-mêmes. Oui, alors il y a quelque chose avec... parce que c'est les enfants et souvent les femmes. Et quand on voit, par exemple, sur la question du voile ou sur la question du travail, du sexe, des personnes qui vont s'exprimer dans l'espace public en disant, ben moi, c'est un choix que j'ai fait, on va tout le temps remettre en cause le fait que c'est un choix. On va dire, derrière, il y a des imams, derrière, il y a des proxénètes. Ouais. Donc, elles seraient manipulées, il faut les protéger d'elles-mêmes. Il faisait ça avec l'environnementaliste Greta Thunberg, dont je suis plus capable d'entendre parler, mais quand même, il disait, genre, il y a quelqu'un qui a fait parler, est manipulé par une chimère. On va reploguer notre mot à trois moitiés. Là, ça n'arrête plus avec ça. Là. Et donc, si je reviens à qui profite des paniques morales, ou plutôt même qui les organise, on s'est dit, il peut y avoir donc, des citoyens qui sont inquiets, qui sont angoissés, qui ont peur. Mais derrière ça, on a qui? On a des journalistes, notamment les journalistes du Journal de Montréal, tous leurs éditorialistes qu'on aime vraiment beaucoup. Oui. On les adore. Moi, lire le journal de Montréal, c'est un petit plaisir quotidien. Moi, c'est quand ils font des publicités qui sont comme une diversité d'opinion, vu que c'est juste comme du old white people. Puis t'es juste comme voyons. Moi, j'ai remarqué que TVA publiait des articles sur les opinions de Richard Martineau. Wow. Ah. Genre, cette semaine, Richard Martineau n'est pas d'accord avec. Puis ils font un article là-dessus. That is great. Wow. Anyway, fait que si on regarde okay, donc, mais on voit comment on leur accorde énormément d'espace dans la sphère publique au Québec. Ils ont une parole qui est très importante et c'est souvent eux qui ont la parole la plus conservatrice, la plus réactionnaire. Ouais, c'est eux qui vont tenir les discours les plus transphobes, qui vont tenir les discours les plus islamophobes et qui ont une tribune énorme diffusée à 1 million d'exemplaires à travers la province. Donc, en tout cas, des politiciens... Le journal traîne sur tous les comptoirs de restaurants du Québec. C'est partout, là. C'est vraiment partout. Autres acteurs, donc des politiciens, des politiciens qui vont reprendre ces paniques morales-là. Mais on pourrait avoir aussi des médecins, des professeurs, des travailleurs sociaux. En fait, toute une série de personnes qui, à travers ces paniques morales, qui à la base exercent un certain pouvoir dans la société et qui, à travers ces paniques morales-là, renforcent le pouvoir. Renforcent leur pouvoir. Donc c'est intéressant de le placer parce qu'on voit que les communautés marginalisées, à l'inverse, elles ont un accès beaucoup plus limité à une prise de parole dans l'espace public. Et donc il y a vraiment un exercice du pouvoir à travers ces paniques morales qui ont des effets très concrets. Oui. Et justement, je pense, pour surfer sur le mot « effet », dans nos communautés, sur nous, quel effet ont ces paniques morales-là, selon toi? Ben, en fait, l'objectif de la panique morale, c'est de créer ou renforcer des normes sociales. Et donc, de créer ou renforcer du contrôle social qui va réguler, normaliser nos comportements, nous discipliner. Donc, ça a des conséquences très concrètes. La criminalisation de certains de nos comportements, le renforcement des violences qu'on peut subir, la peur, la honte qu'on peut avoir à l'intérieur de nous face à des comportements qu'on nous apposerait. Donc, déjà, premièrement, ça nous rend plus vulnérables, ça nous marginalise. Puis on les intériorise, dans le fond, c'est un peu ça que tu dis. On les intériorise. Et ça, c'est un autre enjeu aussi. Comme je l'ai dit, il y a vraiment cette tendance à cibler des pratiques, mais qui derrière ciblent une communauté. Donc l'idée, c'est que quand on appartient à cette communauté-là, c'est comme si on avait toujours il y avait toujours le présupposé qui existait que peut-être qu'on aurait cette pratique dangereuse-là. Oui. Et donc, il faut toujours se justifier, agir. Moi, je vais pas au sauna, moi. C'est ça. Je suis gay, mais je vais pas au sauna, là. Des affaires de même. Puis il y a aussi un truc où, comme, il y a un vraiment plus gros gain, comme personne de cette communauté marginalisée-là, à, comme, reproduire l'espèce de, comme, policing du comportement, puis dire que moi j'en fais pas partie, puis d'essayer de rejoindre la majorité pour l'espèce de gain social. Parce que qu'on ça dit tout le temps ça avec un petit ton de supériorité. Je fais pas ça. Mais en même temps, tu sais, oui, puis aussi ça nous est imposé, tu sais. Fait que c'est nous autres, tu sais, comme je comprends aussi que c'est chiant les gens qui ont une espèce de supériorité morale de dire moi j'en pose au nom, mais en même temps, tu sais, c'est vrai que put on the spotlight, tu sais, genre moi ça a pris vraiment du temps avant d'être capable de faire devant des straight. Oh oui, je vais au sauna, c'est full le fun, mais vous expliquer c'est quoi là. Puis pour vrai, vous allez quand même triper sur le concept aussi. Donc c'est fou comment on intériorise tout ça. Puis, tu sais, si je pense aussi aux attaques terroristes. Donc dès qu'il y a des musulmans qui commettent une attaque terroriste, on va demander aux musulmans, à tous les musulmans, et de condamner. Il faut que vous condamniez les attaques terroristes. La majorité des attaques terroristes en Amérique du Nord, elles sont commises par des blancs d'extrême droite. Je me rappelle pas avoir été questionné sur si je condamnais ça. Non. Est-ce qu'on t'a demandé, toi, de condamner Alexandre Bissonnette? Ouais. Est-ce que Richard Martineau a été appelé à s'excuser, même si c'est quelqu'un qui nourrit ce genre d'événement-là, certainement. Et donc, un des éléments avec les paniques morales, c'est comment on nous dépeint, nous, nos pratiques, nos comportements comme étant dangereux. Mais en réalité, le danger, il vient pas de nous. Le danger, il vient des personnes qui font les paniques morales. Oui, clairement. Mais aussi dans le fait qu'ils décomplexent monsieur, madame, tout le monde dans leur espèce de préjugés qu'ils ont déjà de communautés marginalisées, tu sais. Puis après ça, ça fait juste une excuse pour dire que, il y a un certain cadre et des certaines limites. Fait que ces gens-là ont le droit d'exister, mais moi, j'ai mon mot à dire sur le cadre et les limites, ce qui est fucking dangereux. Oui, absolument. Et sur ce danger qui nous guette tous et toutes, nous, on s'en va dans la salle de nouvelles de TVA pour goûter ce fameux café qui alimente toutes ces fake news de marde et ces chroniques qu'on haït de notre média de droite préféré, TVA, qu'on adore et qu'on chérit toujours. Et on vous revient over café. Yes! Fait que c'était les mêmes maudits anti-syndicalistes, mais un café dégueulasse différent. Ouais. Un gros merci à PKP. Merci PKP. Fait que mettons. Fait que Là, on a parlé de panique morale. On va essayer de donner des exemples un petit peu plus concrets de panique morale. Hein, on aime ça, le concret. Et qu'on aime ça, le concret. Sociologue que nous sommes. Premier exemple qui me vient en tête, ce serait l'hypersexualisation. Il y a beaucoup de panique autour de l'hypersexualisation. Love it. Love her. She's my friend. Oh, oui. Dans les écoles, c'est sûr encore les enfants. Nous, on est très hypersexualisés. Oh my God, je suis hypersexuel. Non, mais c'est ça. Mais juste le terme, c'est super drôle, en fait. Hypersexualisation, c'est ça qui est utilisé pour contrôler, en fait. Parce qu'il y a une limite jusqu'à laquelle tu peux être sexuel. Puis ça cible vraiment beaucoup les filles et les femmes. Moi, j'ai fait de l'éducation sexuelle, genre pendant vraiment longtemps, comme ma job, tu sais. Puis l'hypersexualisation, c'est tout le temps au centre des préoccupations, mais au final, on te parle seulement des jeunes filles, tu sais. C'est-à-dire que les petits gars cherchent la validation à travers leur sexualité puis une performance de la masculinité toxique, ça, c'est jamais un problème. Non. Mais ça, tout le monde aime ça, ça reste correct. Comment les filles s'habillent, comment les filles se comportent, ça, c'est quelque chose qu'on veut réguler puis qui est dangereux pour elles-mêmes. Oui. Puis moi, c'est fou comment je suis dans mes classes. Souvent, je pose cette question-là par rapport à l'hypersexualisation et à ce qu'ils ont vécu. La quantité de jeunes filles qui se sont fait renvoyer chez elles parce qu'elles avaient des vêtements trop courts, c'est complètement fou. Puis t'es juste comme, ah ouais, hein, genre, là, tu sais, comme François Legault qui sort dans les médias pour dire que, comme à la journée de la grosse manif pour le climat, là, il pouvait pas manquer l'école parce que l'école c'était important, mais par exemple. Si t'es arrivé en camisole spaghetti, là, tu peux manquer ta journée d'école, tu t'en vas chez vous. Puis par rapport à ça, les camisoles spaghetti, moi j'espère que les Italiennes ont droit à des accommodements raisonnables pour des raisons culturelles. Oh, sacrément. Et ce qu'on voit, un des enjeux assez importants avec tout ça, c'est aussi comment on va sexualiser le comportement des jeunes filles. Ouais. J'avais cet exemple d'une étudiante qui, on est en mai-juin, il fait chaud. Mois ça, mai-juin? c'est un mois un peu concentré. Okay. C'est le mois et demi de printemps qu'on a. Oui, c'est ça. c'est ça. Et elle va à un examen. Mais là, il fait chaud. Donc, elle y va en mini-short parce qu'elle a chaud. Ah ouais. Là, elle a pas pu passer son examen. On l'a renvoyé chez elle. Un examen, c'est là. Et donc, ce qui est fou, c'est comment est-ce qu'on va donner un sens sexuel. En fait, l'hypersexualisation sexualise les vêtements des jeunes filles et donne un sens sexuel à leur comportement, alors qu'il n'y a pas forcément un sens sexuel, alors qu'elles ne font pas forcément ça pour séduire. Non, ce sont juste habillées, tabarnak. C'est ça. On peut-tu? Ils se sont levés le matin, là. Ils se sont dit, ça, c'est beau. M'a levé à l'école. Puis là, le monde est comme, c'est sexuel! C'est complètement fou, hein? Mais c'est parce qu'il y a comme un moment donné où, à partir d'un certain point, les femmes ont comme une limite de sexualité qu'elles peuvent démontrer. Puis si elles dépassent ce moment-là, ça, là, à ce moment-là, là, c'est pour les autres. Là, c'est qu'elles cherchent de l'attention. Mais alors que les big attention seekers, en utilisant leur sexualité pour avoir de l'attention, c'est full, les gars straight. C'est ça qui est super. C'est fou, ouais. Je veux dire, on reconnaît, quand on dit les femmes trop sexées, c'est pour les autres, on reconnaît la base du discours de la culture du viol. Là, que c'est complètement. Mettre la responsabilité sur les gens qui vivent cette culture-là au lieu de dire aux gens ne commettez pas de viol, d'agression ou quoi que ce soit sans consentement. Et dans ces discours-là, ce qu'on retrouve souvent, c'est que ça va tenter les garçons. Voir que ça va les déconcentrer de leurs études. Et il paraîtrait que même au départ de cette panique morale, au début des années 2000, ça viendrait en partie de profs hommes qui disaient être déconcentrés par les vêtements des jeunes filles. Honestly, yuck. Sacrement, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, mais ça devient un outil pour les écoles pour justement contrôler comment les filles s'habillent, pour que, tu sais, puis on parle de leur comportement, puis on sexualise ce qu'elles font. Puis genre, l'école vestimentaire, c'est fucking intense. Genre, tu sais, ils mesurent literally déjà. Tu sais, imagine comme, surtout, elles sont adolescentes aussi, là. Fait qu'ils enregistrent beaucoup de messages. Puis, tu sais, déjà, beaucoup de contrôle est exercé sur eux. Puis, ils ont pas beaucoup de liberté. Puis, tu sais, c'est tout ce qu'ils enregistrent de genre, comment les gens perçoivent leur corps dans l'espace. Ouais. Oui, puis c'est parce qu'à un moment donné, après ça, tu finis par intérioriser tout ça. Là, on en a parlé un petit peu tantôt, mais. Tu finis par porter la honte. Qu'on a bien voulu t'imposer, là. Puis dans les milieux jeunesse, c'est fucking trash parce qu'après ça, d'un point de vue d'intervention, tu sais, quand t'as des jeunes filles qui vont comme expérimenter avec leur sexualité, ça va. Tu sais, si jamais ça se passe mal puis qu'il y a quelque chose dont elle veut parler, il faut tout le temps que ça passe par le prisme de j'aurais pas dû, je regrette, je voulais pas, genre, je l'ai faite pour les autres. Tu sais, ça peut jamais être comme j'ai voulu essayer de quoi puis. Au final, c'était pas nice, ça s'est pas bien passé. Ou tu sais, comme il y a jamais l'espèce de notion de consentement, parce qu'on dirait qu'on leur enlève le droit de consentir avec un espèce de discours de panique sur l'hypersexualisation, tu sais. Puis on va mobiliser cette panique. Par exemple, une petite fille de 12 ans a fait une fellation. Moi, mes premiers rapports sexuels, je les ai eus à 13 ans avec une fille. Puis oui, on s'est fait du sexe oral et c'était très bien, tu sais. Personne n'est mort. C'est ça. Tout le monde va bien. T'es... J'y crois pas moi-même. Hein. Je fais semblant d'être hétéro. Non, c'était très bien. C'était très bien selon tes standards à ce moment-là. Là, oui, genre, c'est, pas, c'est pas si bien que ça. Mais bon. Mais sinon, tu sais, mettons un exemple de panique morale sur le thème de genre la sexualité, mais aussi du travail du sexe qui a comme fait le tour des foyers au Québec puis dont tout le monde parle. C'est Virginie? L'émission. Oui. c'est l'émission Fugueuse. Ah oui. Qui est oui. La deuxième émission la plus regardée au Québec, 1,5 million de téléspectateurs. Wow! L'émission la plus regardée au Québec? La deuxième. La, plus ah, la première, Québec. C'est tout le monde en parle? Je pense que c'est plus tout le monde en parle. Je pense que c'est genre La Voix ou quelque chose comme ça. Ah oui? Ouais, je pense. Ah, OK. Pas mal sûr. Je pensais que c'était la messe du dimanche à Radio-Canada. Mais c'est hardcore à quel point, dans le fond, Québécois nourrit ses propres paniques morales parce que, dans le fond, oui. Ils vont utiliser l'histoire de Fugueuse pour mousser des reportages qu'ils font sur des jeunes qui fuguent puis qui vont rejoindre genre quelqu'un qui est expected to be leur proxénète, comme genre quand ça drop l'épisode 8 où Fanny, la protagoniste de Fugueuse, allait rejoindre son chum à Toronto qui était son proxénète. Je sais pas si c'était à Toronto, mais en tout cas dans la vraie histoire, la vraie fille qui faisait ça, elle avait ça, puis la vraie, dans une entrevue à LCN, il demandait à l'actrice principale de Fugueuse ce qu'elle pensait de cette affaire-là, puis là c'était juste comme Québécois autoréférentiel full pin, ouais. Qui mousse cette panique morale-là. Oui. Bien sûr, ça se passe dans vraie vie. Parce qu'une actrice est bien entendu une spécialiste de la fugue et du travail du sexe. Et, je veux dire, c'est quelque chose qui arrive trop souvent aussi dans les milieux publics de demander à des hosties d'acteurs c'est quoi leur opinion sur le sujet. Mais en plus, les abolos... ne sont pas des intellectuels. Mais les organismes abolitionnistes vont sortir full pin pour dire c'est vrai, c'est tout le temps ça, c'est ça qui arrive et pire encore. Tu sais, t'as aussi genre des féministes contre le travail du sexe qui se mobilisent pour valider ça aussi dans l'espace public. Oui. C'est fucking trash, là. Oui, parce que le fameux discours que ces gens-là savent pas ce qu'ils font. Mais que ce soit d'ailleurs sur l'hypersexualisation ou sur le travail du sexe, les arguments viennent d'une préoccupation féministe. Si on revient, entre autres, mais si on revient à l'hypersexualisation, on se rend bien compte qu'il y a tout un discours sur comment l'espace public est de plus en plus sexualisé dans les médias, dans les vidéoclips, dans la pornographie. Ouais. Et on prend les jeunes filles comme si c'était des espèces de boîtes vides, de têtes vides qui étaient complètement influencées par les médias. Ouais. Les médias contrôleraient leur comportement. Et donc, au lieu de se poser des questions sur les médias et d'essayer de changer les médias pour avoir des meilleures représentations, on va contrôler leur comportement. Ouais. On va dire, c'est nous, les adultes, qui allons déterminer c'est quoi le bon comportement pour vous, les jeunes filles. Ouais. Puis, pour revenir à Fugueuse, parce que c'est quand même un de mes sujets préférés, parce que tabarnak, genre, ça en parle au souper, là. Ah, mais il y a aussi tout un truc sur comment c'est un des scénarios qu'on visibilise le plus à propos du travail du sexe, l'adolescente qui, malgré elle, se fait entourlouper et qui se retrouve, malgré elle, prise dans un truc de trafic humain. Puis aussi, il utilise la figure de genre la petite fille de bonne famille, de classe moyenne, qui cherche à s'émanciper puis à gagner une liberté. Puis t'es juste comme, c'est pas vrai que c'est comme ça. C'est un piège pour que tout le monde du public se sente interpellé. Mais pour vrai, c'est qui les jeunes filles mineures qui sont prêtes à prendre le risque de faire du sex work pour un gain d'émancipation? C'est souvent des filles qui ont grandi dans la pauvreté puis qui ont à gagner, qui ont jamais eu d'argent, qui veulent avoir des choses, tu sais. Oui, puis on oublie tout le temps qu'il y a du travail du sexe qui se fait volontairement et de plein gré. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que tu sais l'espèce de truc de elle se fait avoir par un gars qui lui dit que c'est pas ça mais que c'est ça, tu sais. Il y en a qui les gens ont de la misère à wrap around their mind que, ben oui, il y a des femmes qui le font volontairement, qui sont comme, oui, je vais faire ça. Et des hommes. Et des hommes. Mais tu sais, qu'il y a des jeunes filles qui sont juste comme, va me sortir de la merde de même, c'est ça, je vais faire, tu sais. Puis ça, c'est jamais. Et des personnes non binaires, je veux dire. Jamais validé comme truc de genre, ben Chris, t'as fait de quoi, puis genre, maintenant, genre. Tu sais, comme tu t'es sorti de genre ta situation de merde que t'aimais pas, maintenant t'es capable de comme rapporter du cash puis faire ce que tu veux, tu sais. Comme ça va jamais être renforcé parce que c'est terrible de faire ça, genre à travers du travail du sexe, t'sais. Oui, ou posons-nous des questions, c'est-à-dire combattons la pauvreté. Oui. Oui, la pauvreté des femmes nous dérange pas jusqu'à ce qu'elles fassent du sex work, puis là on est comme, ah ben là, par exemple, tu vas rester pauvre. Mais c'est vrai, c'est ça pareil. Puis très rapidement. Oh oui. Comment qu'on revire de bord cette espèce de panique-là? Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là qui capotent sur l'hypersexualisation et le travail du sexe? Ben, je trouve qu'avec, surtout avec des sujets comme Fugueuse où tout le monde se prononce puis tout le monde dit que c'est effrayant, je pense que c'est important d'insister sur l'aspect scénarisé du truc, puis que c'est un scénario spécifique qu'on montre puis qu'on visibilise non-stop, puis debunk justement comment qu'ils font pour venir nous chercher dans nos tripes et nous faire croire que ça pourrait être n'importe qui, alors que c'est très ciblé, scénarisé, puis que c'est tout le temps ça qui est visibilisé. Oui. Et toi, Chacha, rapidement? Moi, je pense qu'il faut aussi ramener les faits, les recherches scientifiques aussi, et les faits qui montrent que les fugues des jeunes filles, c'est une infime minorité de jeunes filles qui vont aller dans l'industrie du sexe. Donc, c'est des réalités qui existent, sur lesquelles il faut avoir des actions. Mais quelles actions est-ce qu'on mène? Comment est-ce qu'on les fait? Et ça, ouais, c'est des vraies questions. Parce que, par exemple, si on parle de fugueuses, le jour du dernier épisode de Fugueuses, le gouvernement Couillard a sorti 11 millions de dollars pour financer des projets contre les fugues et la prostitution juvénile. Mais au lieu de légaliser le travail du sexe et d'encadrer ça pour rendre ça de façon sécuritaire et vivable. Ouais, en fait, ce qui est revendiqué par les organismes, c'est la décriminalisation du travail du sexe. Du temps, oui, surtout les organismes par et pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec le jugement Bedford en 2013, où la Cour fédérale a décidé de décriminaliser le travail du sexe. Les travailleurs et travailleuses du sexe se disaient « Ok, c'est bon, maintenant on va pouvoir s'asseoir et essayer de penser à qu'est-ce qui rendrait notre pratique la plus sécuritaire. » possible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils ont recriminalisé en criminalisant les clients. C'est vrai. Donc une nouvelle panique morale. Le modèle suédois, c'est progressiste, ça vient de Suède. IKEA, c'est progressiste ça aussi. Oui, exactement. Donc sur ce, nous on a vraiment assez bitché sur TVA, là, c'est assez. Fait qu'on s'en va à LCN, usurper le thermos de Denis Lévesque, et puis on vous revient overcaféiné. Bon, vous dire une affaire, Denis Lévesque, il lave pas souvent son thermos. Ça goûtait la vieille kaffir. Oh my God. Maintenant que c'est moins bien vu de s'attaquer directement aux homosexuels et au droit d'avoir une pride, d'exister librement, de pas se faire assassiner, c'est quoi les nouveaux messages de la droite pour essayer de nous contrôler? Chachan? Ouais, j'y vais. Déjà, un des cadres en 69, quand René... C'était Pierre-Éliott Trudeau, moi, je pense. Trudeau, parfait. Le bill omnibus, c'est Trudeau. Bill omnibus, c'est Trudeau, parfait. 1969. Okay. En 69, quand Trudeau a décriminalisé l'homosexualité, il a bien dit qu'on ne doit pas se préoccuper de ce qui se passe dans les chambres à coucher des personnes. Oui. Donc c'est vraiment le maintien de la sexualité dans la sphère privée. Ouais. Et on est vraiment encore dans ce paradigme-là. Et beaucoup des paniques morales liées à l'homosexualité sont liées à la sexualité qui est visible dans l'espace public, et surtout à l'homosexualité qui est visible dans l'espace public. Ouais. Donc ça, c'est un des gros enjeux, cette visibilité dans l'espace public. Yannick Bastien-Charlebois, elle avait fait son doctorat là-dessus, où elle a travaillé sur ces enjeux-là, et elle a interrogé des jeunes du secondaire qui disaient, dans le fond, qu'est-ce qui pose problème? Eux, ils ne sont pas homophobes, mais ils ont quelques problèmes avec les gays, donc il ne faut pas qu'ils parlent de leur orientation sexuelle ou qu'ils rendent visible leur orientation sexuelle. Il ne faut pas revendiquer de droits ou faire partie de la communauté gay et d'organismes gays, et ne pas être trop efféminé. C'est ce qui revenait des réponses des jeunes. C'est les trois choses que j'aime le plus faire. C'est ça. C'est mes trois raisons de vivre, gang. Where's the fun? Puis je pense qu'un des bons exemples de panique morale typiquement gay qu'on a connu cette année, à chaque calice de fierté, c'est la même affaire, mais là, cette année, ça a comme enflé sur les réseaux sociaux. C'était, je vous mets en contexte, là, c'est à partir d'une photo. Il y avait un contingent fétiche à la Pride, des poppies, donc qui sont déguisés en petit costume de chien en cuir. Et il y a une photo où on voit un de ces poppy players-là, une personne qui est déguisée en chien, se faire flatter par un enfant. Et là... C'est vraiment une photo full cute. Oui, la photo, elle est adorable. Parce que là, il faut d'abord savoir que le poppy play, c'est un fétiche sexuel, mais c'est aussi un lifestyle. Oui. C'est des pratiques aussi qui sont souvent très désexualisées. Là, les gens On est à la parade. Le monde n'est pas en train de se mettre dans le milieu du défilé. Là. C'est pas ça qui est en train d'arriver. Puis là, c'est ça. Tout le monde a capoté. Là. On peut pas montrer ça à des enfants. Ça a pas de bon sens. Puis là, il y a eu des parallèles épouvantables avec la pédophilie. Je veux dire, il y a pas personne qui avait une intention sexuelle sur cette photo-là. Là, je m'excuse. Non, puis encore une fois, les enfants. Oui. Puis là, comme, OK, mais là, on parle d'enfants à Pride. Fait que là, tu sais, c'est qui ces enfants-là qui sont là? C'est probablement des couples queer qui ont des enfants qui amènent leurs enfants à Pride parce qu'ils font partie de la communauté. Parce que là, on s'entend que c'est juste des straight là, qui chialent, qui sont comme, mais là, les enfants, en considérant que c'est probablement les enfants de couples alliés qui se sont présentés là en soutien puis qui finalement sont terrorisés. Puis t'es juste comme, non, là, c'est des enfants qui ont des parents queer qui ont sûrement été mis en contact puis vu ces affaires-là. Oui. Puis même si tu vas à Pride, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en habit fétiche et tout que tu dois nécessairement sexualiser ça. T'sais, la nudité, c'est pas nécessairement sexualisé. De toute façon, là, la fierté, c'est la fierté quoi? c'est la fierté gay, LGBTQIA2. Ouais. Si t'es straight pis t'aimes pas ça, décalisse. Oui, c'est ça. Décalisse. Mais aussi le truc de comme c'est pas si sexuel que ça, je suis comme même si ça l'était, tu sais, fuck off, là. Si on enlève l'aspect libération sexuelle de la Pride, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça nous sert plus à rien. Mais moi, ce que je trouve grave, c'est comment, c'est le policing à l'intérieur même de nos communautés. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va développer une image respectable de l'homosexualité? Comment il va y avoir des discours sur le fait que ce serait une image non respectable si on montre du BDSM, si on montre des corps un peu dénudés? Alors qu'à l'inverse, moi je pense qu'il faut que le combat continue et donc il faut qu'on montre ces sexualités alternatives qui font partie de nos cultures. Il y a une expression qui est assez intéressante aussi pour critiquer les prides, c'est les plumes dans le cul. On en a parlé dans l'épisode fierté. Une tapette avec des plumes dans le cul. Un petit chef-d'œuvre. Qui sait qui se met des plumes dans le cul? Tu sais, comme ça, concrètement. Mais c'est pas une vraie. C'est ça. C'est ça, concrètement, ça n'est pas une pratique. C'est une métaphore. On parle probablement des drag queens qui vont souvent utiliser, mettons, les plumes dans des trucs burlesques. Mais donc à quoi on s'attaque? On s'attaque à la féminité. Ouais. Hein, il faut pas qu'on soit efféminé. Ben là, imagine. Ça a l'air de quoi? Et à la sodomie, au sexe anal passif. Ouais. Donc il faut pas être bottom non plus. Mais non. Donc soyons fiers d'être efféminés et soyons fiers d'être bottom. Yes. Voilà. Hey, moi je voulais faire un petit retour sur un cas dont on a déjà parlé, mais notre bon ami Joël Lejeune. Notre bon ami Joël. Ah, Joël. Ça c'est un bel exemple de panique morale. Puis là, vous allez voir, hein, on n'invente rien là. Ça a commencé dans un parc et pourquoi la panique a commencé? Les enfants. Si c'est pas un exemple de sociologie qu'on vous donne là, tabarnak, c'est quoi? C'est quoi? Alors dans un parc la nuit. Effectivement proche d'un jeu pour enfants, mais il n'est pas censé y avoir des enfants la nuit qui jouent dans le parc. Les enfants sont dans ce parc-là, à cette heure-là, c'est toi les responsables, c'est pas les tapettes qui sucent la graine, non. Hey! Ma mère a capoté, elle a dit, il y a des enfants dans ce parc-là. J'étais comme, mais envoie pas tes enfants là, sacrément, il y a du monde qui fourre. C'est ça. Hey! That's a bitch. Merci. Joël Lejeune, ce qui est intéressant, c'est qu'il représentait vraiment cette image de l'homosexualité hétéronormative. Oui. Il a des enfants, c'est le bon père de famille. Oui. Et là, soudainement, ça se passe, grossière indécence. Soudainement, il se retire de la vie publique. Et là, il va y avoir tout un narratif qui va se construire, parce que lui, il va revenir quelques mois après là-dessus, sur sa part d'ombre, sur comment maintenant il est allé en thérapie. Ouais. Puis maintenant, il se gère. La thérapie. Il braillait. Pour essayer de... I mean, he's an actor. Et donc, pour essayer de revenir pas juste dans des voice-overs? Qu'est-ce que ça dit? Il fait pas juste des voice-overs? Non, he's an actor. Quand tu chantes Aladdin, t'as pas besoin de broyer pour vrai, là. Non, c'est vrai. Mais en même temps, il broyait pour vrai dans le studio, moi je l'ai vu. Bon. Fait que nous autres, on vous revient dans 30 secondes pour la conclusion, là, ça suffit. Et c'était tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs. Puis le matin, tout en un mot, oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine! Bye les moons!